Tufah, tufah, une pomme c'est une pomme, mais elle n'a de semblable que le nom, le goût n'est pas le même. Pourquoi? Parce qu'au paradis, tout est parfait, tout est fait d'une manière parfaite. C'est pour ça qu'ils diront, قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ. C'est la même chose qu'on a eu, c'est la même subsistance qu'on a eu avant. Et en vérité, ce n'est pas le cas. الذين آمنوا وأصول الإيمان الإيمان بالله جل وعلا وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأخير والقدر في خيره وشره. وبشر الذين آمنوا annonce la bonne nouvelle à ceux qui ont cru en Allah, aux anges et tous les piliers de la foi, les six piliers de la foi. Wa amilu salihat, et qui ont accompli les bonnes œuvres. Ay amilu al-a'malu salihat, c'est muhabbatan lillahi jalla wa ala wa ta'zim lillahi subhanahu wa ta'ala. Wa la labud min al-ikhlas wa al-mutaba'a. Et qui ont accompli les bonnes œuvres, c'est-à-dire qu'on accomplit les bonnes œuvres avec amour pour Allah tabaraka wa ta'ala, avec grandeur pour Allah tabaraka wa ta'ala, et bien sûr en étant sincère envers Allah jalla wa ala, et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, l'an qala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'yakul lillahi tabaraka wa ta'ala fil hadith al-Qudusi, ana arna shuraka yani shirk, wa man amila amala nashraka fihi ma'iya ghayri, taraktuhu wa shirkahu. Comme il a dit Allah azawajal fil hadith al-Qudusi, le hadith sahih kharaja wa muslim, من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه celui je suis plus riche que ce que l'on m'associe comme association, celui qui fait une chose et qui m'associe avec un autre, taraktuhu wa shirkahu, je l'abandonne lui et son shirk, je l'abandonne lui et ce avec quoi il m'a associé. وما لم يكن على اتباع فهو مردود ولا يقبل يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم باللفظ وبهذا اللفظ من حديث عائشة رضي الله عنها وخرجه البخاري ومسلم كذلك من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو الرد وفي رواية البخاري ومسلم باللفظ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو الرد celui qui fait une chose qui n'est pas conforme à nos enseignements elle est rejetée. طيب أن لهم جنات وفي اللغة البستان الكثير كثير الأشجار أن لهم جنات ils auront السلام ورحمة الله paradis. Paradis c'est-à-dire c'est quoi le paradis dans l'aura? Jannah fil l'aura c'est les jardins, les jardins avec beaucoup d'arbres. C'est un jardin avec beaucoup d'arbres. Amma shar'an ad-dar allati a'adaha Allah jalla wa ala lil muttaqin. Et fi shari'a c'est quoi al-jannah? C'est cette demeure qu'Allah azza wa jalla a préparée pour les pieux, qu'il a implanté lui-même de ses propres mains, Allah tabaraka wa ta'ala. Il y a dans ce paradis ce que nul œil n'a vu, ni oreille n'a entendu, et aucun cœur ne peut percevoir. Tajri min tahtiha al-anhar. Sous lesquels coulent des ruisseaux, c'est-à-dire sous lesquels, c'est-à-dire sous ces arbres-là. Ils coulent quoi? Des ruisseaux, des rivières de quatre choses différentes. Et ces quatre choses, elles sont nommées dans un même verset, fi sourate Muhammad, au verset 15, إذا قال الله جل وعلا مثل الجنة التي وعدت للمتقين المتقون وعد المتقون فيها أنهار من ماء des rivières de d'eau, غير آس وأنهار من لبن des rivières de lait وأنهار من خمر des rivières de vin وأنهار من عسل des rivières de miel. Dans le même verset, Allah Jalla wa Ala l'a montré les quatre sortes de rivières, des rivières d'eau, des rivières de lait, des rivières de vin et des rivières de miel.